Puis je disais à Daniel, ce qui m'impressionnait, c'était de voir comment, hein, finalement, ils étaient en tout dernier, là, les derniers de la conférence. Et puis, comment que par la persévérance, est-ce qu'on dit persévérance? Par la persévérance, par le fait qu'ils ont cru en eux-mêmes, puis ils ont dit, on est capable, que finalement, du plus bas, hein, du plus bas, ils sont parvenus à battre les deux bonnes équipes, puis maintenant, ils sont en finale de conférence. Et pour moi, c'était un genre de témoignage pour nous aussi, hein, pour nos vies. Comment que parfois, on peut penser que toutes les dés sont contre nous, hein, que les dés sont joués contre nous dans la vie, et même comme communauté. Je pensais à la communauté spirituelle aussi. Comment parfois on peut penser que tout est contre nous, mais par la persévérance. Par la persévérance, le travail d'équipe que Michel a dit. Et puis, c'est un des commentaires qui se faisait, hein, par rapport aux commentateurs là, qui commentaient sur pourquoi que le Canadien gagnait maintenant. Puis, il disait, de un, c'est parce que les joueurs, écoutent le coach, l'entraîneur. C'est un travail d'équipe, c'est pas un travail de vedettariat. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir la vedette, puis qui garde la porte pour lui, puis dit non, c'est moi qui vais compter le but, c'est pas toi. Mais il y a un travail d'équipe. Et ça nous parle en tant que communauté, n'est-ce pas? Le travail d'équipe, reconnaître les dons de chacun, les compétences de chacun, puis comment en équipe, on peut aussi, dans cette communauté, dans ce quartier aussi, hein, voir le rayonnement du royaume de Dieu. Amen. Ouais. Alors, de quelque chose de séculier, on en a fait quelque chose de spirituel ce matin. Hein, papa? OK. Parce que ce matin, on va continuer avec le thème qu'on a commencé il y a quelques semaines. D'ailleurs, nous sommes toujours dans la période de Pâques. Juste à la Pentecôte, dans les églises où on suit le calendrier liturgique, on est, je pense, le sixième ou septième dimanche de Pâques. Et puis, donc, Glenn, il y a 2 semaines, hein, a aussi apporté une parole, toujours qui portait sur le texte de Jean 20. Et puis, donc, c'était la suite, hein, un peu la suite de ce que j'avais déjà amorcé la semaine auparavant. Alors, notre texte se situe dans Jean 20, versets 11 à 18. Et puis, on ne le lira pas ce matin au complet, parce qu'on l'a déjà lu, et que si on le lit, bien, je vais perdre quelques minutes pour partager avec vous ce que j'ai à partager ce matin. Mais on était en train de... La question plutôt à laquelle on s'arrêtait de ce qu'on disait ce texte, c'était, je vous posais la question, qu'est-ce qui vous frappait dans ce texte de Jean 20, 11 à 18, la rencontre de Jésus avec Marie dans le jardin? Même, j'aimerais tellement revenir sur le texte. Parce que alors que je partageais avec des amis par rapport à ce partage-là, il y avait une amie qui me faisait remarquer que lorsque dans les Écritures, Dieu a parlé à quelqu'un pour lui faire une réprimande, hein, ou pour lui donner plutôt un commandement, Dieu va toujours parler deux fois, dire le nom de la personne deux fois. Comme lorsque Abraham, hein, était sur le point d'égorger son fils Isaac, puis que Dieu va dire « Abraham! Abraham! » Hein? Deux fois, où est-ce que Dieu va répéter le nom de la personne. Alors que dans sa rencontre avec Marie dans le jardin, hein, on s'est arrêté là, à l'intonation de la voix, comment que Jésus a dû dire le nom de Marie d'une façon qui témoignait de l'intimité, de la complicité qu'il avait avec elle. Et à partir de là, on développait le fait que de nous-mêmes, de développer une intimité avec Dieu, hein? Développer une intimité avec Jésus. Puis j'étais pour vous parler de comment parvenir à cette intimité avec Dieu ou avec Jésus. Hein? Parce que qu'on a une intimité avec le Père, ou avec le Fils, ou avec le Saint-Esprit, hein? Parce que hein, je pense que c'est toi, Anne, tu nous disais déjà que tu préférais parler au Père. Hein, c'était plus le Père, d'autres c'est plus Jésus qui nous interpelle. Et je vous témoignais comment que, à différentes époques de ma vie, dans ma propre, hein, dans mon propre cheminement, comment parfois c'était le Père, parfois ça a été Jésus, même au tout début c'était plus Jésus, parce que j'avais de la difficulté avec le Père. J'avais de la difficulté, pour des raisons bien précises, parce que j'avais des problèmes avec mon Père. Alors de voir Dieu comme mon Père, ça ne marchait pas trop. Hein? Mais voir Jésus comme mon ami, comme mon grand frère, ça allait. Hein? Ce n'est que plus tard, vers l'âge de 40 ans, que je me suis réconcilié avec Dieu comme Père. Hein? Et de plus en plus, hein, j'ai développé une intimité avec Dieu en tant que Père, aussi bien que Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on est en train de voir... comment parvenir à cette communion avec Dieu? Je sais. Puis là, je vais prendre un petit recul par rapport à ce que je vais apporter ce matin. Parce que ce que je veux dire ce matin, je ne veux pas que ça soit pris non plus comme étant quelque chose qui est un dogme, hein, que ce soit dogmatique de dire « mais c'est ça, puis c'est le même ». Parce que dans certaines confessions, dans certaines cultures ecclésiales, on ne voit pas toujours le besoin d'avoir une relation subjective avec Dieu. Hein? Il y a des gens dont leur cheminement avec Dieu puis dans la foi est plus un cheminement cérébral. Hein? C'est plus comme objectif, hein? Ils sont hors de. Là, si on parle de subjectivité, on parle donc de sentiments. Certains milieux, pas seulement évangéliques, mais même catholiques romains, puis on va le voir tantôt peut-être, qui vont développer plus une vie contemplative. Hein? On pense à certains frères, des sœurs, des religieuses, des religieux qui font partie de des ordres contemplatifs et puis qu'ils vont passer toute leur vie dans la contemplation. OK? Donc, certains mouvements religieux. On pense peut-être au mouvement charismatique pentecôtisant où est-ce qu'on va mettre une grande emphase sur le sentiment, ressentir. Hein? Et je dirais, c'est mon opinion, de façon exagérée. Hein? De façon exagérée, où l'emphase est trop mise sur le sentiment. L'important, et je l'ai vécu ça, puisque mon arrière-plan à moi, ma famille d'Église, dans mon arrière-plan, quand j'étais jeune, et aussi lorsque je suis devenu mes premiers pastorats, hein? Alors que j'étais... Je faisais partie de la famille pentecôtiste. Et puis, alors, une grosse enfance sur le sentiment, sur sentir, ressentir la présence de Dieu. Dans des églises parfois pentecôtistes, l'effort, lorsqu'on vient ensemble, il y a un gros fardeau qui repose sur le pasteur, sur le conducteur de chant, de faire venir la présence de Dieu et de la faire ressentir cette présence. Tu comprends? Et puis que la réunion n'est pas réussie si on n'a pas eu ce petit frisson, qu'on n'a pas senti un petit quelque chose qui nous dit que Dieu était là ce matin. C'est vrai, Alphonse? Oui, je revis des choses. Hein? Tu revis des choses, hein? Tu revis des choses. Oui, je revis des choses. Oui, puis il y a parfois des transes, et puis. Donc, on comprend. Hein? Je vous dis ça là, seulement pour dire qu'il y a des gens qui vont de façon exagérée mettre l'emphase sur le sentiment. Il y a d'autres familles d'Église ou de confession de foi qui vont vivre leur foi de façon plus cérébrale. Je pense par exemple à. Je nommais par exemple une dénomination comme ça. T'sais? Je pense à des amis que j'ai qui sont de l'Église unie, par exemple, hein? Ou d'autres qui sont de la famille d'Église épiscopale, hein? Où leur foi est beaucoup plus cérébrale. Et d'ailleurs, Christine le sait, on est déjà allé ensemble à l'Église épiscopale. J'aime parfois me retrouver dans une Église épiscopale pour justement vivre cette dimension plus cérébrale de la communauté. Et puis lire les prières que j'aime, la confession de foi, puis tout ça, là. Et la Sainte Cène, hein, qui est donnée de façon beaucoup plus méthodique. Et parfois, j'aime ça aussi. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens, c'est un peu comme un spectrum, hein. Il y a des gens qui vivent leur foi de façon plus cérébrale, d'autres le vivent de façon plus subjective. Enfin, ce matin, là, on va parler ensemble de comment parvenir à une communion avec Dieu. Je ne le dis pas dans le sens que c'est comme ça. Je vous suggère quelque chose. Je vous propose la possibilité pour nous d'avoir une communion avec Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu dans la prière, de la façon dont Marie semblait avoir avec Jésus, que lorsque Jésus lui dit Marie, qu'elle a tout de suite reconnu que c'était le maître qui lui parlait. Comment y parvenir à cette communion avec Dieu? Je vais citer un auteur, Mike Davis, qui travaille, c'est le directeur de l'International Ministerial Institute, qui est un ministère d'un séminaire qui se tient aux États-Unis et qui a beaucoup influencé ma vie, à un moment donné, moins maintenant, mais je vais citer quand même cet auteur qui dit ceci. Tu veux mettre là? Okay. Cet auteur va dire, l'activité la plus importante que Dieu nous donne n'est pas de gagner des âmes. Le travail de l'Église ou l'émission, c'est de chercher sa face à travers la méditation des Écritures. Dieu veut que nos pensées soient ses pensées afin que nos actions soit en accord avec ses actions. Prenons le temps d'y réfléchir. On s'arrête? Elle est là aussi. Oui, tu peux la lire sur l'écran. On va réfléchir à cette phrase. L'activité la plus importante que Dieu nous donne n'est pas de gagner des âmes, le travail de l'Église ou des missions. On reprend la phrase parce qu'on pourrait dire, l'activité la plus importante que Dieu nous donne, c'est de chercher sa face à travers la méditation des Écritures. Dieu veut que nos pensées soient ses pensées afin que nos actions soit en accord avec ses actions. Vous laissez ça rentrer? Hein? Ça pénètre? Quelqu'un m'a dit ce matin, tu vas brasser les cages là, ce matin si tu dis ça. Peut-être que je brasse la cage de quelques-uns. Je vous suggérerais ce matin trois formes de méditation. dont peut-être une plus spécifiquement qui à laquelle je me suis que j'ai pratiqué plus que d'autres. Mais avant de vous parler de ces trois formes de méditation, puisque l'auteur nous parle de méditer des Écritures, dans le but que nos pensées soient changées, afin que nos actions puissent être en accord, s'harmoniser avec les actions de Dieu dans le monde. Mais avant de parler de ces trois formes de méditation, je dois m'empresser de dire que la méditation sur les formes que je vais vous proposer n'est pas un principe herméneutique. Hein? L'herméneutique, c'est la bonne interprétation des Écritures. Okay? Alors, ce que je vais vous proposer ce matin comme méditation, ou des formes de méditer la parole de Dieu, alors, ce n'est pas un principe herméneutique. C'est-à-dire, ce ne sont pas des moyens d'arriver à la signification d'un texte. La méditation ne sert pas à élucider un verset, à comprendre, à l'interpréter de façon juste. Ce n'est pas le but. Il est vrai que l'Esprit Saint peut éclairer nos esprits à mieux apprécier la signification d'un texte. Mais en ce moment-là, nous devrions alors faire référence à cette compréhension dans un sens qui est différent de l'appréhension cognitive ou intellectuelle d'un verset. Okay? Qui est la façon normale de parvenir à la compréhension d'un texte. Je vais vous redire ça, OK? Je vais le redire. Il est vrai que l'Esprit Saint peut éclairer nos esprits à mieux apprécier la signification d'un texte ou d'un passage. Nous devrions alors faire référence à cette compréhension que nous avons dans un sens qui est différent de l'appréhension cognitive ou intellectuelle, qui est la façon normale de parvenir à la compréhension de la Bible. On dirait aussi que le Saint-Esprit peut parfois même aider. Hein? Il peut. Parfois, on peut être devant un passage ou devant un texte. J'imagine que les exégètes du texte biblique, les théologiens qui réfléchissent, qui décortiquent la Bible pour essayer de comprendre. Contextualiser le texte, vont parfois s'arrêter hein, pour demander au Saint-Esprit de les éclairer, de les aider à comprendre le sens. Mais si cela s'avérait que le Saint-Esprit hein, nous aide, nous éclaire à comprendre un texte, le sens ne sera pas différent de ce qui pourrait être dégagé par une étude qu'on appelle herméneutique historico-grammaticale. Là, ce matin, on fait de la théologie. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai dit que je vous parlais pastoralement. Ce matin, on fait de la théologie. Parce que je pense que c'est important. Ça fait 2 ans et demi, quasiment 3 ans, que je vous accompagne pastoralement. Right? Il y a 3 ans, je n'aurais pas pu vous parler comme je vous parle ce matin. Right? Parce qu'il y avait des guérisons à aller chercher. Hein? Il y avait des blessures, il y avait des. Hein? Ce n'était pas le temps de prendre cette approche. Mais je pense qu'alors que nous sommes en train de vouloir se définir comme communauté. On veut se définir. J'ai envoyé la proposition au conseil qu'on utilise la devise « se définir pour mieux servir ». Pourquoi qu'on va se définir comme communauté? Pourquoi est-ce important de se définir? Pour mieux servir. La communauté plus grande, le quartier ou celui de Maisonneuve. Dans le christianisme, hein, la chrétienté, il y a toutes sortes de familles d'églises. Hein? Puis je pense justement à Hicham qui est parmi nous ce matin, puis, hein, qui s'interroge sur le christianisme. Puis, hein, on a parlé un peu de différentes. Et parfois, Hicham me pose des questions, puis il va ailleurs, puis il pose la même question à d'autres, puis il y a une autre réponse. C'est ça, Hicham? Hein, c'est vrai? Parce que même si on est chrétien, on est dans le christianisme, nous ne faisons pas tous la même lecture du texte biblique. Il y a des familles d'Église qui font une lecture littérale du texte biblique. Hein? Qui vont la lire littéralement, puis vont l'appliquer littéralement. Right? 16 jours, 24 heures, on s'entend? On s'entend? Vous comprenez ce que je veux dire? 16 jours, 24 heures? C'est littéral pour eux. Pour moi, ce ne l'est pas. Je respecte ceux qui, plus souvent qu'autrement, les gens qui font une lecture littérale ont moins de respect pour les gens qui font une lecture autrement que la leur. Vous me comprenez? Vous me suivez? OK. Plus autrement, ceux qui font une lecture historico-grammaticale vont avoir une plus grande tolérance, un plus grand respect envers la lecture que les autres font. Parce qu'on fait l'exercice d'une relecture du texte, puis de l'interpréter en le mettant dans son contexte. La méthode, on va dire cette définition de la méthode historico-grammaticale, hein, est une herméneutique biblique, c'est-à-dire une méthode d'étude d'interprétation du texte de la Bible. Le procédé historico-grammatical a recours autant que possible au contexte historique des textes bibliques et au message initial que ces derniers voulaient envoyer aux populations de l'époque. On s'arrête là. Avez-vous compris ce que ça veut dire? Que quand Moïse écrit, premièrement, il n'écrit pas pour nous, il écrit pour les Hébreux, à cette époque-là, pas à notre époque. Là, si on essaie de comprendre les textes de l'Ancien Testament, il faut remettre dans son contexte et puis s'arrêter à qu'est-ce que Moïse ou un autre prophète voulait faire comprendre, puis à qui qu'il parlait. Parce que c'est pas à nous qu'il parlait. On en a un petit peu touché, hein, le mercredi soir, de ça. Puis Anne m'a déjà fait la remarque que le mercredi soir a dit, comment tu as dit ça, que le mercredi soir, on allait plus en profondeur, on allait plus, comment tu m'avais dit, que le dimanche matin. Donc, elle trouvait que le mercredi soir, on disait des choses plus crues, plus vraies. On ne s'enfargeait pas dans les fleurs du tapis le mercredi soir. Hein? Puis je lui dis, mais c'est parce que le dimanche matin, c'est différent des fois. Puis, hein, comme je viens de le dire, il y a un temps pour toutes choses. Et je pense qu'il y a eu un temps où les partages avaient plus rapport à la guérison, puis à avoir Jésus qui nous accompagne dans nos meurtrissures, dans notre... Hein? Mais je pense que alors que nous voulons se définir comme communauté, votre communauté, hein, c'est important pour nous de pouvoir comprendre ces choses-là, de comment est-ce qu'on lit le texte. Donc, on continue ce paragraphe. Deuxième paragraphe. L'approche historico-grammaticale exploite toutes les connaissances disponibles par rapport à un texte spécifique en matière de linguistique, de grammaire, de littérature, d'histoire, d'archéologie, d'économie et de religion. Vous me suivez? Cette méthode a pour objet de déterminer l'intention originale de l'auteur si la compréhension du passage pose problème. En ce sens, la méthode se démarque du littéralisme biblique qui prend le texte au pied de la lettre sans chercher à prendre le recul nécessaire pour le replacer dans son contexte. Vous et moi, vous et moi, notre expérience de famille d'Église a été celle d'une interprétation littéraliste. Right? C'est l'arrière-plan de la famille d'Église évangélique, plus ou moins, surtout au Québec. On prend une approche de littéralisme biblique. Hein? L'Apocalypse, on l'interprète littéralement. On cherche le chiffre 666. Right? Hein? Right? On s'entend? Parce qu'on prend le texte littéral. On dit, c'est ça. On ne prend pas le temps de remettre dans son contexte puis de voir tout ce qu'on vient de parler là. OK. On ne finira pas ce matin. On ne finira pas ce matin. Mais je pense que c'est important de dire ces choses-là. Est-ce que ça vous bouscule? Non? OK? OK. Est-ce que ça vous soulage? Oui, oui. OK. Je reviens au fait qu'on va faire l'exercice de se définir. Parce qu'il y a plusieurs familles d'Église. Comme communauté dans le passé, hein, je viens de dire, dans le passé, c'est mon arrière-plan à moi. L'Église, hein, la communauté se développait à partir d'une interprétation littérale de la Bible. J'ai des collègues, certains d'entre eux étaient des amis, d'autres l'étaient moins, mais c'était des collègues. Dans la famille d'Église, pentecôtiste à laquelle j'appartenais. Plusieurs de mes collègues se sont retrouvés, hein, parce que dans un cheminement de foi, dans un parcours de foi, certains d'entre eux se sont retirés de la famille d'Église pentecôtiste pour aller chez les gens d'Épiscopal, les anglicanes. Hein? J'ai plusieurs de mes collègues qui sont prêtres anglicans maintenant. D'autres, l'Église unie, il y a des jeunes que j'ai formés aussi qui sont maintenant pasteurs de l'Église luthérienne, d'autres de l'Église réformée, puis un autre avec les presbytériens. C'est merveilleux tout ça! Hein? Méchant changement. Ces personnes-là, ce qu'ils ont fait, là, ils ont fait la démarche. Parce que la famille d'Église, auquel on appartenait, puis à laquelle vous appartenez aussi auparavant, on approche d'un littéralisme biblique. Et puis, alors que ces collègues et ces amis ont fait une démarche dans un parcours de foi, hein, bien, ils n'ont pas eu le choix parce qu'il y a parfois une intolérance. Hein? Il y a une intolérance dans ces familles évangéliques face à une autre façon de voir ou de penser. Elles n'ont pas eu le choix d'aller dans d'autres dénominations pour être fidèles à leur cheminement intellectuel de foi. Hein? C'est ce qui nous a amené à Rosemère à faire une démarche, comme on fait présentement, à un moment donné, de se définir, parce qu'on pouvoir se définir pour dire aux gens, voilà qui nous sommes. Hein? Et puis la démarche qu'on prend pour développer notre communauté. Cela dit, ça va? Le conseil d'Église, ça va? Parce que si ça ne va pas, vous me le dites. Hein? Non, ça va très bien. Okay. Parce que moi, je suis soumis à eux. Hein? Non, juste un commentaire, je pense, j'ai dû le dire depuis tantôt. C'est souvent, bon, le littéralisme, il est très fermé, mais dans les gens qui ont une démarche plus. Dans laquelle tu suggères, les gens sont. Ils ont toujours le doute à la fin. Oui. Qui permet cette ouverture. Ouais. Tu ne sors pas avec la vérité, tu ne sors pas avec le. Moi, je sais. Toi, tu sais pas, ce qui permet beaucoup facilement des échanges de points de vue. Un dialogue. On peut établir un dialogue, justement. C'est le propre de la postmodernité, d'ailleurs. Hein? Hein? La postmodernité, c'est qu'on arrête de penser qu'on est le nombril du monde, qu'on sait tout, qu'on connaît tout. Paul va dire, nous connaissons en partie. Hein? La connaissance est partielle. Paul va dire, c'est Jean plutôt. Il va dire, alors, ce que nous sommes maintenant, nous le savons, nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons, nous ne le savons pas. Mais en ce jour-là, hein, lorsqu'on va être avec le Seigneur, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Mais juste à ce jour-là, notre connaissance est partielle. Et parfois partiale. Right? Pardon? T'es d'accord, hein, Aline? Right. Je sais que je vous rejoins. Je sais que je vous rejoins et que je vous soulage, certains, en me disant que voilà, c'est la raison pour laquelle on veut se définir. Daniel? Ce qui me fait penser, moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Dieu, qui sont dans une démarche de croyance. Ils m'en parlent silencieusement, sous couvert de l'anonymat quasiment. Je pense parce que de part, ils respectent là où ils sont, puis alors ils me parlent. Je trouve ça très intéressant quand ça arrive. Ils le font, ils ferment la porte. Je pense. Ils ne veulent pas que l'épouse ou le chum le voient. Ouais. C'est vraiment spécial. Ouais. Parce que les personnes, les gens. Je sais que je m'éloigne, hein, qu'on n'arrivera pas à terminer, là, mais c'est pas grave. Mon message va être prêt pour la semaine prochaine. Mon partage la semaine prochaine va être déjà prêt. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont en cheminement, j'aime pas dire les gens de l'extérieur. J'aime pas dire les gens du monde non plus. Il n'y a pas eux et nous. Il y a nous. Ouais? Parce que quand on pense qu'on détient toute la vérité, il y a eux et nous. Mais ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. Oui? Enfin, c'est des vocables, des expressions que je n'aime pas trop me servir. Mais je veux dire, les gens qui sont dans une recherche de Dieu vont. Je parle de notre société à nous, hein. Je parle de la société occidentale. Les choses se passeraient différemment en Amérique latine, dans certains pays d'Afrique, en Chine par exemple, ou est-ce que, pour diverses raisons dans lesquelles on ne rentrera pas ce soir, là, ce matin, parce qu'au niveau de, au niveau peut-être des moments et des temps, ces civilisations-là ne sont pas encore rentrées dans une phase postmoderne, d'accord? Donc, ils vont encore réfléchir sous forme rationnelle, sous forme cartésienne. Fait que, ben dans notre contexte à nous, notre société à nous, là, occidentale, où on rejette, puis on a une aversion envers tous ceux qui pensent tout savoir, tout connaître. Hmm? Et puis, donc il y a des gens, et là je pense à quelqu'un en particulier. En particulier, Myriam. Il ne faut pas arrêter de prier pour Myriam en passant. Hein? On n'en parle plus le dimanche matin, là, mais il faudrait continuer à penser à Myriam, qui est toujours en récupération à son cancer. Mais lorsqu'elle venait au souper, au premier souper, elle a eu le temps de venir à deux soupers qu'on faisait avec les jeunes. Et Michael va s'en souvenir que lors du premier souper, justement, Myriam disait que son copain, il est ouvert à Dieu, il croit en Dieu, mais il craignait de venir à l'Église. Tu comprends? Parce qu'il veut continuer à penser pour lui-même. Ouais? Parce que beaucoup de gens pensent que s'ils se joignent à une communauté chrétienne, et Dieu sait que c'est vrai pour plusieurs, mais des gens pensent que s'ils se joignent à une communauté chrétienne, ils vont cesser de réfléchir par eux-mêmes, puis qu'on va leur dire quoi croire, quoi faire, quoi. Tu comprends? Et puis, ces personnes-là hésitent à se joindre à une communauté parce qu'ils disent, je veux garder mon libre arbitre. Je veux garder la liberté de réfléchir, de penser dans un cheminement de foi par rapport à Dieu. Enfin, ça rejoint ce que Daniel disait, c'est pour ça que je dis ça, que les gens lui parlent de Dieu, mais de façon secrète pour ne pas que les autres entendent, parce qu'on a peur. On a peur de démontrer aux gens qu'on fait une recherche spirituelle, parce qu'on ne veut pas tomber dans le... Hein, dans, pour eux autres, c'est un peu comme tomber dans le panneau, hein, et puis dans un cadre, alors que on s'efforce justement de se définir et de dire, est-ce qu'on veut une communauté comme ça? Ou est-ce qu'on veut une communauté ouverte? On veut une communauté inclusive. C'est ça, se définir. On s'entend? Ça va? Ok, je vais terminer avec un autre... Non, on va garder la prochaine citation pour la... On va garder la prochaine citation pour l'ouverture. Là, on va introduire la semaine prochaine. Laissez-moi juste voir si je dois le partager ou pas. Okay. T'as raison, Michel. Cela étant dit, hein? Tout ce qu'on vient de dire là, par rapport à, la, hein, à l'approche historico-grammaticale, tout ce qu'on vient de dire là. Cela étant dit, nonobstant cela, hein, la clause nonobstant, voici ce que Eric Edelman, qui est un auteur que j'ai bien aimé. Il y a différentes personnes à différentes phases de ma vie qui ont influencé ma vie, ma démarche, mon cheminement. Je parlais de Jacques Ellul. Jacques Ellul est quelqu'un qui a beaucoup influencé ma démarche spirituelle. Eric Edelman aussi. Il a écrit un livre, Jésus parlait araméen. Jésus ne parlait pas hébreu. Puis il ne parlait pas grec non plus. Les textes du Nouveau Testament, on les a en quelle langue? En grec. Qu'est-ce que tu dis? En français courant. Mais avant d'être en français courant, mais en grec. Enfin, tout de suite, lorsqu'on lit, même les exégètes qui vont lire le texte, j'ai pris quelques cours de grec. Je ne suis pas allé très loin, par contre. Mais assez pour lire mon Nouveau Testament en grec. Mais même les exégètes qui vont prendre le texte grec pour le lire, pour ensuite savoir comment le traduire en français, ils n'ont pas les paroles véritable de Jésus. Parce que Jésus ne parlait pas grec. Jésus parlait araméen. Et l'auteur, dans ce livre, ferait sortir notre mauvaise compréhension parfois du texte, parce qu'on ne tient pas compte que Jésus parlait araméen. Et qu'est-ce que le texte voulait dire dans la culture du temps de Jésus, alors qu'il le disait en araméen et non pas en grec? De toute façon, Eric Edelman met une emphase sur la méditation des textes, un peu comme le premier passage que j'ai cité là, de Mike Davis, qui nous parle de l'importance de méditer les Écritures. Ben, je reviens à ça, là. Je reviens à ce que Edelman dit par rapport à la sèse ou la discipline mystique et contemplative. Il va dire les textes évangéliques sont un guide de libération, indiquant l'accès à une compréhension, un amour et une compassion véritables. Par-delà la doctrine et les différents courants théologiques, hein, au-delà. Je vais y revenir tantôt. Par-delà les doctrines et les différents courants théologiques, il me semble donc indispensable de retrouver en eux le mode d'emploi d'une ascèse, hein, d'une discipline, qui concerne essentiellement la vie mystique et contemplative. C'est bien de cela dont Jésus a parlé, qui correspond à la période de transmission directe que les spécialistes ont appelé le stade 1 de la tradition. C'est-à-dire, lire le texte en vue de développer une communion, une intimité, une piété personnelle. OK? Et j'aimais donc à citer cette Edelman, parce qu'il met l'emphase, et tout son livre d'ailleurs, hein, c'est l'approche qu'il prend de développer cette ascèse, cette discipline de méditer et de contempler aussi en vue comme Mike Davis disait au tout début, là, en vue que nos pensées deviennent les pensées de Dieu, en vue que nos actions s'accordent avec les actions de Dieu. Mais j'ajouterai à ça, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on ira plus loin sur les formes de méditation qu'on peut faire. En lisant le livre, je l'ai lu il y a plusieurs années, là, 1999 à peu près. Encore ce matin, je l'ai ouvert le livre pour le relire. Je me suis dit, il faut que je relise ce livre. Je dois le relire. Parce qu'il m'avait beaucoup édifié. Et j'avais mis une note dans la marge du livre, en disant ceci: l'approche purement contemplative évacue la dimension matérielle, politique, économique et sociale du royaume de Dieu, ou le projet de Dieu. Hein? Quand on parle du royaume de Dieu, on parle de projet aussi, hein, le projet de Dieu. Cette voie ou itinéraire doit être complétée par les autres et devrait conduire à connaître Dieu et à agir conformément aux valeurs de Dieu. Je dirais ceci, hein? Alors que la semaine prochaine, on va s'arrêter sur les formes de méditation, les façons dont on peut faire pour méditer la parole de Dieu. Ne pas perdre de vue que le but de la contemplation et de la méditation n'est pas uniquement pour se sentir bien dans sa peau. Ah, je suis en communion avec Dieu. Hein? Right? Hein? Mais c'est en vue que nos pensées changent. En vue de nos actions, c'est d'agir, qu'on pense à l'agir selon le cœur de Dieu. Hein? Selon le cœur de Dieu. De là, hein? De là, cette fameuse phrase que j'ai souvent répétée, qu'être chrétien, c'est d'être un apprenti, un disciple, un apprenti qui apprend de Jésus à imager Dieu dans le monde. Pour le bien des autres et de la création. Right? Je le répète. Être un chrétien. Et la méditation, tout ça, tout ce qu'on a vu ce matin. C'est toujours en vue de. On est des apprentis qui apprenons de Jésus. On le regarde. C'est pour ça qu'on lit les évangiles. C'est pour ça qu'on médite, qu'on contemple. Tout ça en vue de. D'imager Dieu, d'apprendre de Jésus à imager Dieu. À être image de Dieu dans au chalet de Maisonneuve, sur le plateau Mont-Royal, à l'endroit de notre travail. Imager Dieu pour le bien des autres et de la création. Bonne semaine. Papa, merci pour ta présence parmi nous. Ce matin, on veut encore s'en remettre à toi. On te recommande nos voies. Et on veut étudier ta parole de façon cognitive, mais aussi de façon contemplative. On veut pouvoir être en communion avec toi, prendre un temps avec toi. Pour te connaître et que nos vies, dans nos vies, que nos actions puissent être tes actions, ton agir à toi. Amen.